Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis, Alexandra nous déversera ses connaissances culturelles dans sa nouvelle chronique. On parle politique avec François Landry. Et on règle vos problèmes avec sexisme, mais ça devrait pas là. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bon matin à vous. Bon matin, ça va bien, François? Oui, toi. Super. En ce jeudi 6 septembre 2012, moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. On t'en dirait des studios de CFA Trois-Rivières. Et aujourd'hui, à l'émission, on a des invités des plus fascinants. Et des plus importants. Important. Ben, important dans la situation qu'on vit présentement avec courante, les élections. Là. Oui, oui, des choses se brassent dans ce domaine-là de la politique. On a besoin de se faire renseigner, hein, Mathieu? Ben, moi, je suis cave dans ce domaine-là. Donc, ben, oui, pas tant que ça. J'en ai besoin. François Landry sera avec nous à 8h30 pour Logocratie 101. À 8h, on va avoir une transplantée du lundi, parce qu'elle sera le lundi d'habitude. Donc, on va l'avoir dans le fond 2 jours de suite. 2 jours d'assemblage requis. Hey! Alexandra Carignan qui sera avec nous pour sa nouvelle chronique culturelle. En fait, elle va faire un survol un petit peu de ce qu'elle va couvrir dans le prochain Zone Campus. OK. C'est génial. Ouais. Elle va nous parler, j'ai ses sujets. Là. C'est la programmation de spectacle de J.A.T. Ça doit être J.Anthony Thompson. OK, ouais. A.A.R. Anaïs Allard-Rousseau, je pense. Oh! Et LPP. LPP. Louis-Philippe Poisson. Ah! Oh, bravo! Hey, super. On fait un méchant team. Mais qu'est-ce qu'on a aussi aujourd'hui, pendant que j'essaie de récupérer mes mots dedans ma bouche? Il m'est arrivé une aventure perturbante hier. Oui. Dans les bureaux de C'est fou. Oui, oui, oui, oui. Est-ce que tu nous racontes ça là? Je raconte ça dans quelques minutes. Oh. En fait, je te fais languir juste un tout petit peu. Mais en fait, c'est une bonne idée de la faire au début de l'émission, comme ça, il n'y a aucune chance qu'il l'entende. Du moins, il y a moins de chance. C'est ça. Non, il n'y a pas de risque de rien, là, mais c'est de passer quelque chose et je vais raconter cette histoire-là sans vouloir traiter le gars de nom. T'sais. Je vais essayer de faire ça avec respect. Okay. Bon. Mais c'est tout à l'heure. Pour l'instant, on écoute Radio et une entrée, en fait, une pièce qui est sur le palmarès francophone. C'est en 4e place. Voici Tout passe sous le firmament. 89 FM, c'est fou. C'est pas l'assemblage requis. C'est l'univers, en vivant dans une carte. Je vis en mystère, regarde-moi. Femme tes yeux, ouvre tes oreilles. Mais je peux vous dire fort. Croire, savoir, arbre, t'aimes la forêt. Just keep it wild. Point moi, non, je suis dans ma tank d'eau soleil. À la fin de mon métier, travaille comme ma pêche, je m'empêche pour travailler. Le bartender parle, ma faux bois pour le croire. Great and noble scheme, stolen legacy, dis-moi. Mash back and forth sur ma Fortnite, deux semaines. C'est quand la lune pleine, c'est la late night, deux semaines. From time immemorial, souvenir avec deux semaines. Deux semaines dures, une série, c'est la mienne.

Topanga avec la pièce Fogo Island, pièce que j'adore. J'adore ça. Moi, je pense que ça vient de me réveiller. Ouais, hein? Mais ça réveille bien. Ben oui. T'es bien réveillé. C'est ça. 10 minutes passées le début de l'émission. Ben ouais. C'est là que c'est... Ça me réveille. Il fallait. maintenant, dans la vie, tu sais, François, que ce soit dans les bureaux, au travail, à la maison, au boulot, au boulot, au métro ou au dodo, il y a tout le temps de quoi. La vie est faite de moi, t'as pas joué. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit t'as fait trop tard, soit t'as fait trop tôt. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite de moi, t'as pas joué. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit t'as fait trop tard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, t'as peut-être vu sur Facebook, hier, j'ai posté en fin de journée une phrase qui disait genre que j'avais vécu quelque chose de perturbant. Traumatisant, c'est ça que je vais retenir pour le reste de ma vie. C'est le cas. Non, je te raconte l'histoire pour la première fois, François, en ondes à la radio. Et là, je veux juste souligner le fait que je veux vraiment pas faire paraître ce gars-là comme un imbécile ou un maillet ou quelque chose du genre. Là. C'est pas mon but, puis j'ai pas envie de mettre personne à dos. Puis c'est vraiment juste pour raconter l'histoire, pour trouver ça drôle ensemble et pour essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Donc, il y a un gars qui est arrivé dans le bureau, un dude. OK. C'est un dude. Un dude. Nowhere, qui est arrivé dans le bureau d'Alain Lefebvre, directeur de la programmation. Où tu étais? Où j'étais pour les 5 minutes où j'ai été dans son bureau pendant l'après-midi. Donc, il arrive dans le bureau, puis avec son doigt dans les airs, super, je suis ton patron. Là, tu vas mettre du Jay-Z, là. Tu vas mettre du Jay-Z, là. Tout de suite, là. Fait que là, moi, je fais comme, oh, je m'en vais de là, tu sais, quel tonne, je m'en vais là. Fait que là, il dit, il me regarde. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben là, je vais pas te mettre du Jay-Z. Mais il dit, tu viens de me dire que t'allais en mettre. Ouais, mais c'est une joke, man. Je vais pas mettre du Jay-Z. C'est pas dans notre licence et ce n'est pas notre mandat. Là, il dit, mais c'est quoi votre mandat? Mettre de la musique de Ah oh ouais, il était pas gêné. Fait que là, je fais comme, non, notre mandat, c'est de jouer de la musique alternative, de la musique qui joue pas ailleurs, des bands locaux, des bonnes choses, tu sais. Des bonnes choses. Fait que là, il dit, mais là, vous allez mettre du Jay-Z là, parce que moi, là, ça, là, c'est de la musique de du rock de fille, tu sais. OK. Ou encore du rock de. Un autre mot commence par F, puis qui finit par un F, là. Fait que là, on comprenait rien. Alain et moi, on se regarde, on fait comme... OK, bon, ben, Jay-Z, c'est noté. Merci beaucoup de ta recommandation et de ta suggestion. Fait qu'il s'en va. Il fait comme, là, vous allez le jouer, là, votre Jay-Z, là. Vous allez jouer, là, là. Vous écoutez, moi, là. OK, fait que là, on fait comme... Oui, oui, super, parfait. Fait qu'Alain, il dit qu'en 15 ans de travailler à la radio, il a jamais vu une situation comme celle-là. Mais pour vrai, lui et moi, au départ, on pensait tous les deux que c'était une blague. En fait, moi, je pensais que c'était un ami de peut-être, mettons, je sais pas, Maxime Tanguay, il y a un ami en impro, tu sais, puis il a envoyé ce gars-là, il va lui demander de jouer du Jay-Z, il va trouver ça bien drôle, tu sais. J'aurais trouvé ça drôle. C'était pas une joke. Pas en tout. C'était pas de blague. Non, fait que c'est ça. Alain était tellement sûr. Non, mais il est pas revenu. Le pire, c'est qu'après être sorti dans le corridor, ce dude. Ça va dans le coin des toilettes parce qu'il était avec un ami, tu sais, un ami, un autre doux dans l'arrière de lui, mais tu sais, qui a jamais parlé du tout le long de la conversation, puis faisait juste rire, j'imagine, ou c'est comme. Être là. Ouais, c'est ça. Fait que bref, il est allé dans le corridor crier, hey là, au bureau, là, tu sais, fou, là, va falloir que t'ailles là-bas, là, puis que t'ailles dire de jouer du rap, là. Parce que là, la musique de fille, là, marche pas en tout ça, là, va lui demander de jouer du rap. Là, il y a un hipster dans le bureau, tu sais, fou, avec des lunettes de hipster. Il commençait à chialer contre moi, là. Ah ouais. Une lettre de hipster qui me dit qu'il joue bien que de l'alternative, c'est quoi cette affaire-là, genre? Oh boy! C'était vraiment bizarre. Mais c'est ça, j'avais comme pas choisi d'en parler. Je me sens mal d'en parler, parce que je sais bien, le gars était sûrement sous l'influence de quelque chose. Là. On s'entend qu'à 4h, peut-être 3h30 de l'après-midi, pour ce comportement-là de « je suis ton boss parce que j'ai payé une cotisation assez fou ». Ce qui est, en fait, oui, OK, vous êtes... T'sais, les étudiants sont comme propriétaires de la radio. Ça appartient aux étudiants. Donc, vous pouvez venir animer, vous pouvez faire des chroniques, des choses comme ça. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. On vous accepte énormément. On a même envie de vous rencontrer, vous, personnellement, qui entendez ça en ce moment. Mais non, c'est ça. C'est pas parce que t'as payé une cotisation que tu peux débarquer dans le bureau et faire comme si t'étais le patron de la place. T'sais. Ouais. C'est un petit peu déplacé comme comportement, mais... Eh boy. Eh boy. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Moi, je sais pas. Je sais pas si, mettons, ça se reproduisait ou qu'il revenait ou qu'il était à l'extérieur du studio en ce moment même. La porte est barrée, parfait. Ça envoie moi aller, mais... Ah, c'est ça. J'étais pas là! Je passe le journal! Eh oui, ça arrive, mais en tout cas. Si ça se reproduit, ben on reproduit la même conversation. C'est pas notre mandat de jouer du Jay-Z. Non, ça, c'est exact. Écoute, t'as essayé d'expliquer tout à fait... Calmement, jamais, c'est ce qu'on a fait. S'il veut rien comprendre, ben là, il veut rien comprendre. C'est ça. Mais l'idée d'en parler aujourd'hui, entre autres, c'était aussi pour... défaire les mythes. Défaire les mythes. Et c'est pas qu'on connaît pas ça, Jay-Z, là. Arrêtez de penser. Puis c'est pas que ça joue pas ailleurs. T'sais. Non, c'est ça, exactement. Mais notre mandat, en fait, du CRTC, c'est de faire jouer, comme tu l'expliquais un peu plus tôt, Tout ce qui est alternatif, tout ce qui est locaux, les bands émergents, on n'a pas le droit de faire jouer ce qui joue ailleurs. Donc, on a une licence complémentaire. On est là pour compléter, en fait, ce qui joue pas ailleurs. Faut le savoir. Faut savoir, non. Il y en a qui ne savent pas, puis c'est normal. Non, c'est ça, exactement. C'est bien de le savoir. Ouais. C'est bien de le rappeler aux gens de temps en temps. On l'explique une fois de temps en temps, écoute, c'est nécessaire. Oui, je trouve pas ça gênant, expliquer ça. Du tout. Eh bien, c'est ça, sachez-le. Et puis, tu sais, on peut le répéter, pour tout ce qui existe à l'UQTR, si vous payez une cotisation, vous avez le droit de ne pas la payer, si vous voulez. On vous le recommande pas, parce qu'on vous fait un très, très bon service. Ouais. Mais ça peut se faire, si c'est... Okay. Donc voilà, c'est ça, j'ai chialé sur mon sujet préféré. D'accord, merci Mathieu. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ouais. Bon, dame. Hey, écoute, un peu plus tard dans l'émission, moi je vais te parler de la programmation du festival En vol macadam qui se déroule à Québec, qui commence d'ailleurs ce soir. Ok. Je vais te parler de ça. Écoute, c'est un peu rock. On va essayer de trouver une pièce qui fait bien à Assemblage Requis. On va regarder ce qu'on peut faire. Pour l'instant, on écoute les hand claps sur le palmarès Franco. Voici ce son. C'est-tu du rock de filles, ça? Ou... Ça? Ouais. Hey! Ce son dans mon oreille me réveille. Un autre groupe l'a fait avant, ce n'était pas pareil. Les textes trop complexes me laissent perplexe. C'est vrai, le son suffit, mais hors contexte, le son c'est à l'index. Cette langue dans mon oreille me réveille. Notre femme l'a fait avant, ce n'était pas pareil. Ces paroles trop complexes m'ont laissé perplexe. Entre deux mots, j'ai dû choisir le moindre, j'ai mis l'autre à l'index. You know, you've heard it all before, but no one does it like we do, so get on the floor. We know, you've heard it all before, but we're gonna play it till you scream for more. I say, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, nothing new to say, whoa, whoa, so I guess I'll dance. Dans ben pas long, cette chanson-là, tu vois. Ben gay! Dans ben pas long! C'est toujours Assemblage Requis, 89 FM, c'est fou. On s'en va entendre une autre pièce tout de suite, à l'instant même, du palmarès. Et après ça, on va revenir avec une superbe chronique qu'on appelle Sex, mais ça devrait pas. On l'a, ça, t'aimes ça, cette chronique-là, je oui, pense? Oui, j'aime ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, François? Une pièce de Winter Sleep. Sleep. Mais avant, écoute, je vais te parler un peu de la programmation du festival Avant le Macadam qui commence ce soir. Parlons-en. Évidemment, en fait, comme je viens de le dire, ça commence ce soir. Ça commence à partir de 19h. Ça, par exemple, ce soir, c'est plus dans les bars, là, dans les bars, restos, ces trucs-là. Ça se passe au Cercle à partir de 19h et ça se déplace aussi au Scanner à partir de 23h30. Donc, voilà. Pour les groupes, écoute, le seul groupe que je connais ce soir, c'est Winter Myths. Winter Sleep? Myths. Myths. Myths. Ah. Mais il va y avoir Winter Sleeps aussi. Tu mêles. Ouais, non, je sais exactement. Mais écoute, Winter Myths qui va jouer ce soir au Cercle à partir de 20h45. Comme si c'était pas assez mêlant, ces deux groupes-là. Ouais, non, c'est ça, exactement. Écoute, et puis ça se déroule aussi demain, vendredi 7 septembre, avec des groupes un peu plus connus, comme Young Empires, Lights. Lights, oui, c'est bon ça. Oui, qu'on a fait jouer un peu ici. C'est pop un peu, on c'est fait pas jouer peu. Souvent, mais parce que tu sais, hein, tu sais ce qu'on dit sur nous autres. Hein? Ouais. On joue rien de la. Ouais. Il y a Fanny Bloom aussi. au Cercle qui va jouer dans le cadre du festival En Vol de Macadam à minuit 45 vendredi. Ah. Ce qui veut dire que ça tombe samedi. Pas mal. Ouais, ça tombe samedi, mais bon. Sinon, c'est à peu près ça. Écoute, la programmation est un peu décevante cette année si je compare aux autres années avant. Écoute, mais bon, sinon, écoute, la grosse soirée, ça se déroule quand même le samedi, tout le temps le samedi, et ça commence évidemment en milieu d'après-midi, vers les alentours de 3h, 3h30, et avec comme groupe La Guégan, je ne sais pas si tu connais, Mathieu. Pas tant que ça, non? Un groupe punk des années plutôt 90, mais qui fait encore, qui roule beaucoup, et c'est bon. C'est bon? Oui, oui, bon, c'est, okay. C'est très bien. Toi qui es un fervent amateur de Melon Collin pourrais facilement aimer La Guégan. Non, mais pour vrai, je commence à aimer ça quand t'en fais jouer. T'sais, si t'en faisais jouer plus souvent, peut-être que je commencerais à vraiment aimer ça. Mais écoute, La Guégan, peut-être la semaine prochaine. Okay. C'est le même genre que Melon Collin? Ouais, okay. C'est quand même relativement smooth aussi. C'est pas du gros rock sale. Et puis, c'était supposé avoir aussi No Use for a Name. Le chanteur Tony Sly est mort, ça doit faire peut-être un mois, ces trucs-là. Donc là, écoute, aux dernières nouvelles, là, je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais aux dernières nouvelles, le groupe était supposé quand même se présenter. Je sais pas qui allait chanter. D'ailleurs, ça marche. Parce que c'est le chanteur, donc le membre que les gens, tu sais, qui est en face de tout le monde. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Et d'ailleurs, le chanteur Tony Sly et Joey Cape, le chanteur de La Guégan, faisaient aussi un spectacle acoustique les deux ensemble. Okay. Donc, faisaient une tournée. D'ailleurs, ils ont été joués à Drummondville cet été. Pour vrai. Ouais, ça a été quand même. Et puis, écoute, c'est un des derniers spectacles avec le chanteur. C'est triste. Est-ce qu'on sait de quoi il est mort? Pas aux dernières nouvelles, non. Je sais pas si je fais une recherche rapide. Je pourrais peut-être essayer de trouver ça. Mais écoute, les rumeurs disaient que il faisait. Là, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense une hernie. Puis il prenait des médicaments, puis il buvait quand même beaucoup dans avec les médicaments. Oh, c'est pas une bonne combinaison, c'est, ça. C'est ce que j'ai entendu à Musique Plus. Eh ben. Quand je regarde, il va vous dire ça. Mais je pense que c'est ça, c'est pas encore. Je pense que la famille ne veut pas nécessairement. Non, c'est ça. C'est ça. C'est assez nébuleux. Donc voilà, écoute, on parle de La Guégan à 21h30 sur la scène Exo. Évidemment, ça se déroule en dessous des viaducs de l'autoroute. Comme à chaque année. Exactement. Ça, cette formule-là, toi. Ouais, le spot est malade. S'il pleut, écoute, tu te fais pas mouiller. Le son est bon. Évidemment, écoute, on est au mois de septembre, donc ça se peut que le soir, c'est relativement frais. Évidemment, on s'amène un petit manteau. Petite veste. Est-ce que c'est plus tard dans l'année qu'avant? Mais c'était pas l'été, ça? Non, c'était pas l'été. Ça a toujours été début septembre. Okay. Même que je pense que l'année dernière, c'était un peu plus tard. Eh ben. Je pense que j'avais 15 ans en tête, là, où... En tout cas, quelque chose. Moi, j'avais pensé la différence, c'est qu'on entendait parler tout l'été avec les pubs. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est vrai. Écoute, ouais, c'est un bon point. Plus ça. Et puis, il va y avoir aussi Winter Sleep qui va jouer à 22h sur la scène Première Ovation. Donc, voilà, je pense qu'on pourrait se quitter là-dessus. Winter Sleep qui fait bien ici, c'est fou. C'est mollo, c'est bon. C'est très bon. C'est rock. Je pense qu'on écoute Winter Sleep avec Trace Decay et après ça, peut-être qu'on pourrait se pousser un petit peu de Winter Myths aussi. Oh! Hein? Comme ça. Assemblage requis sur C'est fou. of your blindest memories at a party with nobody who will love you, but the wine gobbled pills that the doctor should have never prescribed. Scattered letters to the boyfriends you have never identified with. Surreptitious spilling kisses you could never assez fou pour l'écouter. 89.1. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. tout de gâcher la chanson. Ah. Bon. New York et Paris, on arrive. Wintermint! Non! Combien de temps qu'on va te faire? C'était la formation Wintermint. Tu gâches la chanson, tu gâches mon silence inconfortable. Bravo. Ben écoute, je suis là pour ça. Bravo. Non, c'est ça. Écoute, approuve ce que je dis. C'était la formation Wintermist. Vrai, ça c'est vrai. Bon, OK, parfait. Et la pièce était en avion. Ouais. OK. Et la formation Winter Myths va être en spectacle ce soir. Là, tu me parles quelque chose. À Québec, jeudi 6 septembre. Je t'en ai parlé tantôt, Mathieu. Je sais, je t'écoutais pas. À 20h45, mm-hmm. ou Le Cercle. À Québec. Le Cercle, le bar. Là. Ouais, le bar resto, là, je sais pas exactement. Et Cercle. Ou, et Cercle. Je sais pas exactement comment ça se qualifie, mais resto bar. Cool. Disons ça comme ça. C'est bien ça, François-Olivier. Merci. Ça va être bon, ça. Ben, mais non, Winter Myths, un des groupes que je préfère le plus ouais. dans les palmarès depuis le début des palmarès. Ouais, non, depuis que je connais bien. Ça, là, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Ouais. Je trouve ça plate que ça soit la semaine, par exemple. Sinon, écoute, en fin de semaine, j'irai peut-être être. Ah oui, t'as bien raison. Là, en fait, j'irai pas à Québec. Là, pour revenir demain, puis travailler. T'es casanier pas mal. Casanier. Ouais, t'es Anne Casabonne pas mal. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu veux me dire, là? Je sais pas. Avant de continuer avec la chronique 5 semaines, ça devrait pas. Là, on accueille David Ferron. David, bonjour! Ben bonjour, comment allez-vous? Hey, David! Très bien. David, que vous connaissez pour sa chronique La langue dans ton oreille, ici même assez fou, à Assemblage requis. C'est les quand? Mardi matin, ça, je pense? Oui, tous les mardis à 8h30, je vais faire ma chronique Langue dans ton oreille. En fait, le but de cette chronique-là, c'est de diffuser la culture francophone, que ce soit au niveau de la musique, du spectacle, des événements. Bref, un beau panorama de la culture francophone à tous les mardis à 8h30 sur les ondes de C'est fou, 49.1 FM, dans le camp d'Assemblage requis avec les beaux François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Sensuel, beau, Colin, ça arrête plus les compliments. Et qu'est-ce que tu veux? C'est donc bien fun. C'est très bien. Écoute, je suis surpris d'ailleurs, je pensais pas que tu te levais si de bonne heure que ça. Ben, ça arrive des fois. Ça arrive. C'est le fun. Ouais. Et à ta prochaine chronique, mardi prochain, David, tu vas parler, en fait, tu vas avoir une entrevue avec Eddie King. Et puis, justement, on a des billets à donner pour ce spectacle-là d'Eddie King. Qui a lieu quand? Oui, en fait, le spectacle aura lieu mardi prochain, le 11 septembre 2012, à la salle Jean-Antonio Thompson, dès 20h. Mm-hmm. OK. Donc, ça vaut vraiment la peine. J'ai écouté des extraits audio du spectacle et ça vaut vraiment la peine. Je pense qu'Eddie King, comment il se démarque, c'est vraiment au niveau de son flow, comment c'est vraiment... Il a l'air d'avoir beaucoup d'énergie sur scène, puis vraiment, il y a des répliques assez drôles. C'est sûr, je ne vais pas vous dévoiler trop de punch, mais ouais. Ça vaut la peine. Ça décroche des sourires, puis même qu'on se bidonne à certains endroits. C'est toujours bon de se bidonner dans la vie. Moi, c'est une de mes activités préférées. Donc, Eddie King, les gens peuvent gagner des billets en nous téléphonant au 819-376-5183, n'est-ce pas, David? Eh oui, donc quand vous appelez Mathieu et François de leur sensuelle voix, ils vont vous répondre et vous dites « Je veux avoir des billets pour Eddie King ». Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir les voir, avoir ces billets-là et pouvoir aller à la salle Jean-Antonio Thompson mardi prochain pour aller vous bidonner et peut-être avoir des mots de vente parce que ça a l'air assez drôle. Mais... Ah. attends un peu, là, hein, on veut pas faire mal aux auditeurs. Non, ben non, ça va juste faire des abdos. Et puis, quoi, combien? Deux paires? Oui, ben on fait tirer deux paires. Oui, deux paires. Excellent. Deux paires ce matin. Et, petit défi pour l'auditeur qui va nous appeler, les deux auditeurs qui vont, en ce cas minimum, là, pour les deux paires de billets. Appelez-nous Sa Majesté, Votre Majesté. C'est pour faire un petit caprice ce matin. Là. C'est Eddie King, c'est le roi de la scène, l'on dit. Là. Si, OK, attends, on va faire quelque chose. Okay? Si Mathieu répond, OK, ben là, vous le traitez de Majesté. Okay. Si c'est moi, ben écoute, vous me parlez comme si j'étais votre ami depuis 10 ans. Vous le traitez de Majesta comme du pépé de toilette. Non. Ah. Il est rapide ce matin, Mathieu. Donc, David Ferron, encore une fois, le numéro de téléphone, c'est 819-376-5183. On te laisse partir pour pouvoir prendre des appels. Ça va? OK, c'est bon. J'essaye d'être populaire. Merci. Et on t'écoute mardi à 8h30 pour ta chronique La langue dans ton oreille. Et ça nous appelle déjà. On te laisse, David. Merci. Ben, un gros merci. Là. Bye. Salut. Bye. Pour l'instant, on écoute Week-end perdu. Attention, je pense que c'est Mathieu qui va répondre. Oui, quelle perdue de reine de France à Assemblage requis. On félicite Christiane qui a gagné ses billets pour le spectacle d'Eddie King. Beau travail. Oui, félicitations. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter Sa Majesté qui a perdu les lignes. Mais, on va blâmer le système de téléphone de l'université. C'est pas ma faute. Et deuxièmement... On va blâmer celui qui avait le contrôle de tout aussi. Exactement. Ça, c'est sûrement notre régisseur. Hein? C'est crédible, ça, Richard. Donc, c'est ça, on a perdu un de vos appels. Okay? Ou, en tout cas, peut-être... Moi, je dirais un. Hein? Ben, je dirais, non, en tout cas... Celui qui aurait gagné, en tout cas. Donc, rappelez-nous si vous avez raté votre chance. 819-376-5183. Pendant que nous, on va retourner entendre du Parler. Et après ça, tout de suite après, on vient avec la chronique sexe, mais ça devrait pas, parce qu'à un moment donné, l'annonce est super fun, mais faut que ça se fasse, c'est ça. Parler, do you remember? Tout de suite, 819-376-5183 pour des billets pour le spectacle d'Eddie King. Oui! Allez, petite lumière, fais-toi aller. Oh! Et qui ou la lumière? Oh, il répond! Sa Majesté. Oh, c'est vrai. C'est sa seigneurie qui est officiellement appelée tantôt. C'était proche. C'est bien. Ça fonctionne. C'est un titre. Moi, royauté. It's not a secret thing. You always knew there would be an ending. It's not that you were even pretending. But you held it inside like a pain. And in the dream with the guillotine, you were the queen with a head to a side. Trying hard not to look or to cry. It was only a matter of time. Do you remember where we came from? Did you forget it? Just what it was. And you were out on the street crying, please don't forget about me. Ça mérite du headbagging, ça, François? Ah, ça va bien ce matin. Oui. Parler avec Do You Remember à Assemblage requis au 89 FM. Ce nom-là, Parler et Do You Remember, t'as comme pas le choix de le marmonner. Remember. Et Parler, ça s'écrit bizarre. Faut que tu saches que ça se prononce Parler parce que. Tout le monde dit Parlover parce qu'il y a un V à la place du U, c'est normal. Mais tu sais, même le groupe, je pense, c'est pas mal ça qui veulent. Ils savent pas trop. Ouais, c'est ça. C'est comme du vieux langage. Oh! Tu sais, avec les V à la place des U. Maintenant. À place de parler de vieilles affaires, on parle d'affaires très, très récentes, des affaires technologiques, des affaires à acheter avec votre carte de crédit. C'est ça qu'on a besoin, là. Ben, oui. C'est Smith, ça devrait répondre, là. J'ai encore mis l'intro plate. J'en ai une intro plus fun que ça, c'est pas grave. Donc, Sex Smith, ça devrait pas, on l'a, c'est la chronique où on se crée des besoins, où on se règle des problèmes de la vie de tous les jours. T'en as plusieurs de ça, toi? J'en ai plein. Ton nez, entre autres, avec les allergies. Ouais, c'est ça, exact. Écoute, t'es capable de me sortir de quoi ce matin contre mon nez, là, pour... Breathe right, je pense. Ouais, ça fonctionne bien. Mais c'est pas... C'est pas un gadget. Ouais, c'est ça. Il manque quelque chose. Il manque un petit cadran ou des piles ou je sais pas quoi. Ça manque au moins une puce ou quelque chose du genre dedans. Donc, commençons par un jouet pour enfants qui pourrait peut-être t'intéresser. François, tu connais les Etch-a-Sketch où tu fais aller des petites roulettes et ouais. ça dessine. C'est comme un genre de Etch-a-Sketch 2012, là, super révolutionnaire. Donc, à la place, c'est un morceau de plastique rouge, OK, avec des trous dedans. Et en dessous des trous, il y a des petites billes. Des petites billes qui sont emprisonnées dans la boîte, OK? Et t'as un crayon avec un aimant après. Et là, tu peux, avec le crayon, soulever les billes et ça fait un dessin. OK. C'est un peu, j'avoue, difficile à expliquer à la radio, mais ça te fait sortir les billes quand tu passes avec ton aimant dessus. OK. Donc, c'est comme un genre de sketch en plus simple. J'espère qu'ils vont sortir des plus grosses affaires, des plus grosses grilles, parce que tu peux pas faire des gros dessins. C'est 7,5 par 6 pouces et ça fait aucun dégât. C'est parfait pour la voiture ou pour voyager. Ah, c'est bien. Ensuite, t'as toujours eu le problème, François, de tes cassettes audio. Je sais que dans ton auto, t'écoutes des cassettes audio. J'écoutais, là, j'ai plus de radio-cassettes. T'es rendu avec un iPod Touch, hein? Ouais, c'est ça, avec par les ondes. Par les ondes FM. Mais justement, si t'avais voulu combiner les cassettes audio avec un iPhone, il te faudrait le Tape to iPod Converter. Donc, c'est vraiment une machine. T'insères ton iPhone ou iPod Touch ou n'importe quel appareil comme ça à l'intérieur et t'as une place pour mettre ta cassette et tu peux enregistrer ta cassette sur ton iPod Touch, faire des MP3 avec. C'est génial, wow, ça. Combien ça vaut, ça? Je te le dis dans 2 secondes. C'est sur le site de Hamaker Schlemmer et ça coûte 80$. C'est pas si pire. C'est pas si pire, c'est une grosse collection de cassettes. Parce que souvent, en fait, des cassettes, t'écoutes des bands locaux, c'est sûr que tu remets pas la main là-dessus, là, sur Internet. Là. Jamais, sûrement. Fait que non, ça peut être bien. Très bonne idée. Et ça vient avec une application gratuite, ça convertit vers les MP3, comme je disais. Tu peux aussi écouter directement ta cassette via la prise écouteur du iPod Touch ou de l'iPhone. Ouais, ensuite, tu connais l'animal, le fourmilier? Ouais. C'est comme une affaire avec une genre de grosse trompe, là. Tu connais ça? Ouais, c'est fourmis. Donc, c'est le même principe, mais cette fois-ci, c'est un aspirateur à insectes. Donc, tu utilises le fourmilier pour prendre, disons, des fourmis ou des araignées ou n'importe quoi, et ça s'en va dans son ventre transparent. Okay. Et tu peux, après ça, aller dehors, sortir les insectes dans le gazon. Comme ça, tu tues pas les animaux et tu les as pas dans la maison. Tout le monde gagne là-dedans. Ouais. Non, tout le monde gagne, là. Mais tu sais, tu vois une fourmi, il faut que tu ailles chercher ça... Ben, tu sais, il faudrait en principe que tu l'aies à portée de main. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, j'aime. Mais bien. Ensuite, ça c'est parfait, c'est l'Halloween qui s'en vient, tu le sais, dans peut-être 2 mois environ, et les magasins commencent déjà à avoir leurs décorations d'Halloween. Boy. C'est des costumes pour chiens. Oh boy. C'est joli. Costumes pour chiens qui font avoir l'air, mettons, de Madonna. Je sais qu'il y en a d'autres en dessous. Que genre, je sais pas si c'est Snooki de Jersey Shore ou je sais pas trop quoi. Oh boy. C'est avec les craques de boules, toute la quête. les gaga. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est des craques de boules, brassières, perruques, lunettes de soleil et tout ça. Costumes pour les chiens. C'est cool, par exemple, ça peut être drôle. Ouais, il y en a plein d'autres. Allez voir ça. Et c'est bien Snooki, tu vois. Ah ouais? Oui. T'as l'œil? J'ai vraiment la reconnaissance infuse de la télé-réalité de Ma. J'ai dit le mot Ma, c'est pas méchant. C'est vrai. Ouais. Ensuite, application, c'est pour réussir à trouver ton battement cardiaque, ton rythme de ton cœur. Pulsations cardiaques. Quand je fais ça comme ça, ça me fait une belle voix radio, là. Ouais. Bon. Mais tout ça sans avoir à le mettre sur votre cœur. En fait, ça détecte les changements dans votre visage. Ça prend la caméra du iPhone 4S et évidemment l'appareil, le iPhone 4S et l'application dont on parle ici. Elle coûte 5$ et c'est Cardio avec 2 i pour savoir votre battement de cœur. Oui. Un petit peu inutile ça, mais bon. Ensuite, t-shirt à réalité augmentée. Tu sais, dans Alien, il y avait un extraterrestre qui sortait du ventre de quelqu'un, là. Ouais. Alien. Bon. C'est un peu le même principe, mais à la place, c'est de la réalité augmentée. Donc, sur ton chandail, t'as un dessin, et puis quand tu le pointes avec ton téléphone, l'alien apparaît dans le téléphone, mais tu le vois, dans le fond, tu vois le chandail. Ouais. Tu sais, c'est quoi de la réalité augmentée? Ouais. C'est à peu près ça. C'est quand tu pointes quelque chose, il en sort quelque chose, mais dans l'écran. Donc, très, très bonne idée. C'est une application compatible sur les téléphones intelligents, disponible de Fingerfunk, le chandail en tant que tel, pour 30$. Voilà. Ensuite, des pantoufles qui sont parfaites pour sortir le Hobbit en vous. Tu sais, Hobbit, la série de films, de livres et tout ça. Donc, c'est des pantoufles qui te font avoir l'air d'avoir des gros pieds poilus. Ah, c'est cool. C'est plus fun. Hey, demain, si vous voulez suivre à la maison et trouver les photos, vous aussi, vous pouvez aller sur assemblagerequis.com dans l'émission d'aujourd'hui, jeudi 6 septembre. C'est disponible chez ThinkGeek pour 20$ et seulement en une seule grandeur. Triste. Ensuite, une nouvelle montre intelligente qui a l'air d'une montre normale, mais qui ne l'est pas du tout, en fait, parce que c'est la Citizen Echo Drive Proximity Watch. Beaucoup de mots. Et tu peux savoir, dans le fond, si quelqu'un t'a envoyé un message texte, un courriel, un événement de calendrier ou même un appel raté. Donc, ça te dit tout ça sur ta montre et ça synchronise par Bluetooth 4.0. Donc, c'est un nouveau profil Bluetooth qui utilise moins de courant. Et il y a des aiguilles. En fait, il y a une aiguille dédiée aux informations. Donc, tu as les heures, les minutes, mais aussi une petite aiguille qui va te pointer vers des mots qui sont affichés sur la montre. Par exemple, bon, je vois C-A-L. Ça doit vouloir dire call, ouais, c'est ça. Je sais pas, LTM, CHR, des mots-clés comme ça. Et il y a aussi l'heure, la date et tout, et tout, et tout. Et tout ça pour $550 pour avoir une montre Bluetooth. Chasse. Eh bien, ça a l'air compliqué, je l'avoue, là. Puis. Les petites aiguilles qui tombent. Ben, ça a l'air pas évident. Pas évident, mais une fois que tu sais comment ça fonctionne. Ouais, c'est ça, j'imagine. De toute façon, tu sauras jamais qu'il va s'acheter une montre à $550. Ensuite, t'es très, très. Ah, là, François, il y a. Compris qu'on pouvait suivre. Je suivais ça depuis le début. Pour ah oui, ouais. Ok. Ah, fait que je te montrais mon ordi pour. Ben, au début, ouais. Ouais. Donc, t'es geek, François. En tout cas, moi, je suis geek, je m'assume là-dedans et j'aimerais ça pouvoir remplacer la lumière, le petit bouton de lumière à côté d'une porte, par un joystick d'arcade. Et ça, là, c'est cool dans une chambre d'enfant. Mais faudrait que tu baisses les boutons de lumière, par exemple, un peu. C'est ouais, très cool. Mais donc, le joystick sert à allumer et éteindre. Et après, c'est un bouton, deux boutons d'arcade ronds. Piu-piu! Piu-piu-piu-piu-piu-piu! T'as du plaisir, là. C'est hot. C'est très cool. C'est super simple, en plus. $29 de ThinkGeek. Vous pouvez aller voir une vidéo de tout ça en train d'avoir lieu là, sur assemblagerequis.com. Une autre affaire avec des boutons, c'est, partager un iPad. C'est plate parce que tu l'as pas dans tes mains parce que quelqu'un d'autre qui l'a. Puis là, tu sais. Prête-moi les. Après, jouons donc tout ensemble avec l'application AppQuiz et le petit gadget qui vient avec qui ressemble un petit peu à une demi-pieuvre là, à quatre pattes. Et tu insères ton iPad ou ton iPhone. Dans ce cas-là, un iPhone, ça pourrait être compliqué. Hein. Mais c'est un quiz, donc vous jouez avec les boutons. C'est buzzer. Bing, bing. Mouais. C'est le fun. Vidéo encore une fois. Et c'est disponible pour $48 environ sur AppToys. Ensuite, celui-là, il faut que je vous le fasse jouer. Ici, j'ai ça là. Attention. C'est une infopublicité pour le Perfect Polly Pet. On écoute ça. Et pour le fun. Pas Polly D. The parakeet. So beautiful, great to look at, and what a wonderful companion. But live birds can be a lot of work. Oh non, well, les vrais oiseaux, ça fait plein de caca dans sa cage. Maintenant, vous pouvez avoir un oiseau et le plaisir d'avoir un oiseau sans les dégâts avec Perfect Polly. Ressemble à un vrai oiseau. Il n'a jamais besoin d'être nourri. C'est bien fun. C'est super, hein? C'est activé par motion sensor, donc quand il voit qu'il y a quelqu'un devant lui, il va se mettre à faire des petits cris puis à bouger sa tête. Ah, c'est mignon. Et wow, hein? Comme un vrai perroquet. Tout ça, cette pub-là, ça dure 2 minutes. Hein? C'est le fun. Et le perfect. Taille réelle aussi. Taille réelle. $15 plus frais d'envoi. Pas cher. Pas pire. Ça s'appelle tout de suite, je pense, t'en as un deuxième. Ça se peut, hein? Ça se peut. Ça se peut. Ou il t'envoie peut-être des fausses crottes pour mettre dans sa fausse cage. Oh mon dieu. École. Perfect Polly now. C'est génial, j'en veux 4. Moi, c'est jamais assez. Ensuite, tiens, tu veux driller, François, mais t'es aussi un amateur d'armes à feu. OK. Donc, il te faut ce superbe produit qui s'appelle le Gun Grip Drill, qui est vraiment une drill, mais en forme de fusil. Donc, c'est la gâchette qui sert à faire tourner la drill. Ça a l'air extra cheap. Extrêmement, extrêmement cheap. Rien que l'image fournie par la compagnie a l'air cheap. Ils ont même pas essayé de le faire avoir l'air métallique pour après ça te le vendre puis finalement être en plastique. Non, pas besoin d'essayer. Yeah. Ensuite, c'est un tank top pour faire du pilates. Mais tu sais, quand tu fais du pilates, c'est que t'as pas d'entraînement. Tu sais, c'est très compliqué. Du pilates, ça, c'est l'aérobic, là, peut-être? Ouais, c'est ça, okay. Des affaires qui ont l'air assez intenses comme façon de faire. Et bien, c'est ça, quand t'as pas d'entraîneur, ça peut être difficile d'être motivé et de savoir comment faire les mouvements correctement. Donc, il faut le Move Tank Top qui va te donner des chocs électriques quand tu gaffes ton mouvement, quand tu le fais pas correctement. Hey, lâche-moi. Non, mais pas vrai. Un petit choc électrique qui fait pas trop mal. Pour, ça, ça fait juste pas pour te replacer, là. Bon, ouais, tu sais, ça va sûrement te faire du bien au dos, peut-être. Donc, ça se branche sur une application qui fonctionne sur téléphone intelligent et qui surveille ta performance. Le design a été présenté le mois dernier au Wearable Technologies Conference à San Francisco. La designer Jennifer Dahmer explique que c'est pas fait pour remplacer l'instructeur, c'est seulement pour vous aider à comprendre la technique. Et elle a de grands plans pour cet appareil-là. Elle veut, en fait, ce top-là. Elle veut aussi que ce soit pour les golfeurs, les lanceurs au baseball, ceux qui aiment le yoga. Donc, elle va faire ça pour d'autres gens aussi. C'est bien. L'idée, si c'est un petit choc, c'est pas si pire. Ça pourrait être juste un genre de buzz, mais tu sais, un son. Ce serait assez, ça. Tu l'as pas fait correctement, buzz, sans te faire mal, tu sais. Ouais. Ensuite, un système de sécurité qui fait absolument rien. On a tous besoin de ça. En fait, c'est que c'est un appareil qui a l'air d'un système d'alarme, mais qui ne contacte pas de centrale. Qui n'est pas plugué. Ben, c'est avec plugué. Des batteries. Ben, sûrement plus des batteries. C'est que ça envoie des lasers comme dans les films, tu sais, dans ta pièce. Fait qu'il y a l'air d'avoir des lasers de sécurité partout que si tu passes dessus, ça va sonner une alarme. Je sais pas si ça fait sonner une alarme en film. C'est bien fait. C'est cher. 200$. C'est ça. C'est cher pour quelque chose. Moins cher, ça vaudrait peut-être la peine. T'sais. Ça peut faire peur, ça. Pour vrai, parce que juste avoir un autocollant d'une compagnie d'alarme quelconque sur ta fenêtre de porte... C'est assez efficace. C'est efficace, pas mal. T'sais, le voleur va pas nécessairement se dire « Ah, oh, je sais qu'il y a un vrai système d'alarme », mais il va plus se dire « Pourquoi prendre le risque? Je vais aller à la maison qui a pas ça. » Check le voisin, Il n'y a rien, lui. Ensuite, j'aime ça, mais c'est fait sur demande seulement, donc il faut l'acheter pour qu'il le fabrique. C'est pour ça que ça coûte 49$. Ça prend entre 12 et 15 jours à fabriquer. C'est un point d'interrogation, comme dans Mario, comme sur les blocs de Mario, mais en bague. Mais en quoi? En bague. Juste le point d'interrogation comme bague. C'est le fun, non? Ouais. C'est super cute. Maintenant, tu peux imprimer ta propre nourriture, François. C'est de la nourriture en 3D que tu peux imprimer. C'est la Imagine 3D Printer. Okay. Tu te demandes comment ça marche, hein? Un petit peu? Ouais, c'est des seringues. Des seringues. Qui acceptent n'importe quelle, dans le fond, nourriture ou n'importe quel liquide ou chose qui sont, dans le fond, qui a été mélangé au malaxeur avant. Ça peut imprimer de la nourriture, donc si tu l'as mélangé avant avec le blender, là, tu peux faire du glaçage à gâteau, des patates pilées, du poulet. Oui, du poulet. Et après ça, tu peux faire n'importe quelle forme en 3D avec l'imprimante. Il y a une grosse chose d'impression de 9 par 9 pouces. Donc, t'as pas que des petits gâteaux, mettons, à faire avec ça. Tu peux faire des gros gâteaux quand même de 9 pouces. Très bien. Par 9. Avec du beau petit glaçage tout le tour. Bien imprimé. Ensuite, tiens, votre chien a mauvaise haleine. Il nous en reste seulement 3, on se dépêche. Votre chien a mauvaise haleine et c'est difficile de le prendre dans ses bras puis après ça, aller laver les dents et laver la langue. Donc, ça peut être compliqué. Il vous faut, c'est le Aura Pop. Ça ressemble à une brosse un peu et ton chien va venir licher ça. Et c'est fait de petits genres de poils, de pic-poils. Et puis ça lui donne une meilleure haleine. Oui, mais... Eh ben. Ensuite, Logitech qui sort un clavier lavable au lave-vaisselle. Oui, avec des trous en arrière pour faire s'échapper l'eau. Donc, c'est cool ça, j'aime ça. C'est génial. Le cas 310 qui peut être submergé jusqu'à 11 pouces dans l'eau. Et puis, ça va enlever, évidemment, toutes les petites poussières qu'il y a à l'intérieur de ça. Et puis, les lettres sont imprimées au laser avec une couche de choses protecteurs de rayons UV. Je trouve que c'est une bonne idée. Faut les laver, les claviers, aussi. Ben oui, mais ça, c'est sûrement l'endroit le plus sale. Ouais, tout à fait. C'est l'intérieur d'un clavier. Regardez jamais là-dedans. Soit lavez-le ou achetez-en un nouveau parce que vous voulez pas regarder à l'intérieur de ça. C'est pas joli du tout. Et finalement, si vous avez de la misère à lâcher votre téléphone cellulaire, tu sais comment les étudiants sont, hein? Les maudits étudiants, hein? Sur leur iPhone, hein? Tout le Facebook. Temps. Tout le temps. Donc, vous pouvez acheter cette prison pour téléphone et autres gadgets. C'est une pas si pire bonne idée, mais en tout cas, je sais pas. Donc, c'est. Tu payes pour pas t'en servir. C'est ça. On peut mettre entre 15, 30, 45 ou 60 minutes donc avant qu'il y ait une alarme, dans le fond, je pense, c'est ça? Moi, c'est ça. Je pense que oui. Donc, il peut y avoir jusqu'à 6 téléphones cellulaires dans cette prison-là. Et ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, l'alarme, c'est je pense c'est si tu vas chercher ton téléphone avant la fin du timer. Voilà. Si, mettons, t'as mis 15 minutes, tu peux pas y aller avant 15 minutes, sinon ça va sonner une alarme. Voilà pour ce produit-là. Et les liens sont sur assemblagerequis.com, comme toujours, toutes les photos et tous les produits, pour toutes les pages pour les acheter. Voilà. C'est là. Nous, on va terminer cette heure d'assemblage requis-là. Ici? Moi, pas mal ici, parce qu'on a quelqu'un de spécial et de très gentil après la pause. Madame Carignan! Oui, elle va nous faire sa chronique culturelle. Elle va nous parler des événements qu'elle va couvrir pour le Zone Campus. On a parlé tantôt de ces sujets. C'était la sage Anthony Thompson. Louis Philippe Poisson. Et Annalise Alain Rousseau. Génial. Voilà. Donc, on vient. Et puis après ça, il y a aussi François Landry avec sa chronique Logocratie 101. Restez là. assez fou et nous allons l'écouter. 89.1 Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. On est jeudi le 6 septembre 2012. Il est 8h03. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Oui, donc on est deux à l'animation, tu le sais. Oui, jamais deux sans trois. Mais jamais deux sans trois et jamais deux sans une troisième animatrice chevronnée. Assez fou. Bonjour, Alexandra Carignan. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Oui, ce matin, très en forme, très réveillé. Oui, moi aussi, surprenamment. Surprenamment. OK, toi, oui. C'est pas sarcastique. Ben non, sérieusement, je me suis levée, c'était un peu ordinaire, mais rendu ici, là, l'énergie... Ça se passe, exactement. On aime ça de même. Et puis la rentrée, pas trop pire. Oh, sincèrement, c'est la première fois que je viens à l'université depuis. Oh, OK. Petite rentrée. Ça commençait pas hier? Tu n'avais pas de cours hier? Ouais, je suis comme à maîtrise. Ah, la maîtrise. Hein. Les cours n'existent plus à mon stade. C'est une bonne chose, mais en même temps, ça doit être difficile le reste aussi. Oui, effectivement. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, je vais venir faire une chronique à Assemblage Rocky, comme ça, j'aurais pas le choix de me pointer à l'université. Parfait. Ce n'est pas la première fois que j'entends cette excuse-là. Ouais. C'est une bonne affaire. Donc, on parle de culture tantôt, mais pour l'instant, je te fais un petit cadeau avec du Lisa Leblanc. Oh, t'es donc bien fin! Ouais, c'est Ligne d'Hydro. C'est pas parce que ça me tente, mais c'est pour toi. Puis je te lance la boîte. T'es donc bien fin. Plein d'amour. Lave la main. Je déciderai d'enfouir mes robes de gypsy au fond de mon garde-robe. De mes vieilles valises, je sortirai ce que j'ai vécu pour les exposer sur mes murs que je pourrais appeler les miens. Je pourrais arrêter d'angoisser, voir si c'est moi le char qui laissera aller en premier. Un moment donné, je boycotterai le vieux café dépanneur, puis jugerai à mon tour ceux qui s'achètent du vin d'épicerie. Dans la radio.

le théâtre, l'humour et la musique. Donc, si vous êtes plus théâtre, écoutez ça tout de suite. Si vous aimez plus musique, attendez jusqu'à la fin. Alors, revenez dans 5 minutes, allez faire d'autres choses, préparez vos toasts. Mais ben, sincèrement, moi, je suis prenante pour les 3 sujets. Il y a tellement de... Sincèrement, là, cette saison-ci, la Maison de la culture aime ça ruiner mon portefeuille parce qu'ils ont pas mal de trucs très intéressants. Et là, j'en nomme quelques-uns, mais quand j'ai fait l'article, il a fallu que je fasse une sélection parce qu'il y en avait tellement. Côté théâtre, mes coups de cœur, en fait, c'est Tout ça m'assassine qui va être le 6 novembre à la salle J. Antonio Thompson avec Sylvain Martel, Alexis Martin et Mario Saint-Amand, qui sont quand même trois bons acteurs connus dans le paysage québécois. Et c'est des morceaux de pièces qui sont assez déchirants, en fait. C'est une pièce qui se veut... Elle n'est pas là pour rire. C'est une pièce pour se recentrer sur soi-même, avoir des questionnements. Ça a l'air assez particulier. Le 6 novembre, à la salle J. Antonio Thompson... Un grand classique de Gia Thompson, c'est le Théâtre du Nouveau Monde qui fait sa sortie avec, cette fois-ci, Les Femmes Savantes de Molière, ce qui va être très intéressant. Moi, je vais y être coûte que coûte. C'est le 11 décembre prochain. C'est d'ailleurs avec Carl Béchard, Noémie Godin-Vigneault et Sylvie Léonard et encore bien d'autres. Et moi, j'adore les affiches du TNM. Vous irez voir ça. La publicité, d'ailleurs, est très bonne. Bref, le TNM, c'est tout un gagnant dans mon cœur. Ça va valoir la peine. Et ce qui est intéressant à la salle J-Antonio Thompson, pardon. Puis on se dit souvent, ouais, mais le théâtre, on est loin. Mais plus on est loin, mieux on entend. Et c'est ça qui est magnifique. Moi, et pour les étudiants, c'est vraiment pas cher. Ouais, c'est ça, il y a des tarifs étudiants. Je pense que ça vous coûte 15 $ Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. C'est une belle expérience. Exactement. Et si on est un peu plus régional, eh bien, il y a le TGP, le Théâtre des gens de la place, qui commence déjà la saison au mois de septembre avec la Ménagerie de verre de Tennessee Williams, qui a l'air assez particulier aussi. C'est pas une pièce d'humour, c'est une pièce un peu plus de questionnement aussi, mais qui a l'air très intéressante. Ça va être du 13 au 22 septembre. Dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est les jeudis, vendredis, samedis. De toutes les de ces 2 semaines-là. Moi, j'aime ça aller vers la fin parce que je me dis qu'ils ont bien rodé le show, mais en même temps, on peut aller au début pour voir les acteurs se dégourdir. Si vous êtes des fans de la huître, eh bien, sachez que l'ex-capitaine Louis-Étienne Villeneuve joue dans la pièce. Ah ouais, alors, ouais. Oui. Et ça, ça se déroule où? C'est à la... Oui, exactement. C'est à la Maison de la culture, à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Okay. C'est pas les cher autres, encore. Leur spectacle, c'est pas mal tout le temps là. Oui, le TGP, ils sont tout le temps à la salle Anaïs Allard-Rousseau. D'ailleurs, il y en a 3, là, je ne me rappelle plus des autres pièces cette année, mais ils ont tout le temps 3 pièces. Une qui est en septembre, l'autre en décembre et l'autre en mars. Alors, il y a des cartons qui sont faits pour ça. Je pense que le mariage de Figaro cette année, je crois. Okay. Mais bref, il y a quand même tout le temps des bonnes pièces. Et ça, à la salle Anaïs Allard-Rousseau, ce qui est plaisant, c'est que peu importe où est-ce qu'on est, on voit bien et on entend bien. Et même si on a une personne de 6 pieds en avant de nous, la 5 pieds 1 en moi parle. Non, mais on se fait pas cacher parce que c'est vraiment en pente. C'est intime aussi. C'est très intime, exactement. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'adore cette salle-là. Et c'est vraiment pas cher. Surtout encore le TGP, je crois que c'est une 12aine de dollars pour étudiants. Et vous pouvez même vous prendre un tarif spécial. Pour voir les 3. Pour les 3, exactement. Donc, je crois que ça vous coûte une 30aine de dollars pour les 3 pièces. Un bundle! Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. L'année dernière, d'ailleurs, j'avais vu Les Sorcières de Salem. Oui. Avec, il y avait Marie-Pierre Laforge-Bourret. Qui jouait là-dedans. Oui, ben oui, oui, j'ai entendu parler de ça. Danseuse là-dedans. Mm-hmm. Et oui, c'était prenant. Il n'y avait pas d'entracte à cette mise en scène-là. Non, il n'y avait pas d'entracte. C'était vraiment... Moi, je suis ressortie de là avec des frissons. T'étais là? Oui, j'étais là. Je pense que j'avais vu ton copain, Maxime Tanguy. Ah, ça se peut très bien, ça. Me semble. Potin. Et donc, c'est tout pour le théâtre. C'est tout. En fait, c'est tout ce que je mentionne dans mon article. Il y en a tellement plein. Oui, il y en a plein. Alors, je vous suggère de vous procurer le petit carnet qui donne toutes les... Ça, c'est ça. Si on veut être au courant de la programmation ici à Trois-Rivières, on peut aller visiter directement le site Maison de la culture. Oui, il y a enspectacle.ca qui est très, très, très bien fait, qu'on peut diviser soit par salle, soit par genre ou par date. Donc, vous pouvez tous, en fait, choisir ce que vous voulez. Il y a les prix et les liens pour acheter les billets. Si vous êtes plus papier, en fait, à l'UQTR, dans le hall Albert apprécié. Il y a un grand rack avec toute la programmation. Et il y a aussi le petit pamphlet là, en papier... En papier glacé, exactement. Zone Campus fait la même chose aussi. Hein. Tu peux aussi classer... Tu as juste à découper... autour des puis après ça tu peux comme les mettre en ordre de classe dans l'ordre que tu fais c'est une petite filière c'est bon enfin c'est débile ouais. Alors pour la section humour maintenant moi les trois qui m'ont vraiment popé c'est Eddie King premièrement une supplémentaire donc ça doit être très très bon qui va être le 11 septembre c'est bientôt ça c'est la semaine prochaine mardi prochain ben tabarouette mardi prochain si vous savez pas quoi faire Eddie King Sadie Antonio Thompson et si vous avez pas quoi faire restez sur nos ondes peut-être qu'on aura une autre paire de billets à vous donner peut-être t'as donc bien grand alors, Eddie King, 11 septembre. Et ça vaut la peine, je pense. Il y a eu des très bonnes critiques. Mélissa Beaupré a été le voir l'année dernière, l'ancienne chroniqueuse aux arts, et elle a adoré ça. Donc, d'après moi, c'est une bonne critique. Mélissa est un gage de qualité, un peu comme ça. On ne sait pas encore. On va voir ça à la fin de l'année. Et sinon, en fait, il y a Alexandre Barrette, qui est, moi, un de mes chouchous. J'adore beaucoup l'émission. Il doit être très drôle. Taxi payant, ouais, là, ça me vend tout le temps. Il est rapide. Il est rapide, c'est ça, en fait. Il y a une bonne répartie. Oh, oui. Vraiment. Alors, Alexandre Barrette, qui présente son premier one-man show intitulé « Alexandre Barrette et personne d'autre ». Le 3 novembre prochain. Et ça, c'est au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Ça pourrait être un spectacle décoiffant, Mathieu Barrette. Les jeux de mots à Mathieu Plante. Mathieu aussi est rapide, là, mais... moins bon. Moins bon, c'est ça. Alors, Alexandre Barrette. Et si vous avez écouté Coloc.tv, ben, c'est son coloc, Billy Tellier. Et Billy Tellier va être là aussi? Il va être là le 12 décembre, okay. Mais pas en même temps que lui. Okay. Il va avoir le spectacle d'Alex Barrette le 3 novembre. Et le 12 décembre, c'est Billy Tellier, toujours au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Je le trouve un petit peu moins drôle, lui. Oui, ben effectivement, moi, j'ai un petit pendant pour Alexandre Barrette. Ouais. Mais quand même, si vous aimez l'humour de Billy Tellier, il sera là. Il y a aussi Philippe Laprise qui jouait dans... Vrac la vie. Vrac la vie, exactement. Dans Un gars le soir aussi. Oui, aussi. Alors, le 1er décembre pour lui. Donc, il ouvrira ce mois de décembre, toujours au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Et pour ce qui est de la chronique musique, alors là, vous pouvez revenir en onde. Non. Attends, faudrait crier. Reviens. Et je vous dis, il y en a tellement. J'en reviens pas. Comment qu'il a fallu que je fasse une sélection. J'ai été avec mes coups de cœur. Bernard Adamus, qui est toujours un gagnant, qui est le 11 octobre à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Donc, la magnifique salle où est-ce qu'on voit pas. Ouais, c'est une belle salle. Qui vaut la peine. D'ailleurs, il y a un combo. Si vous achetez votre billet de Bernard Adamus, vous pouvez aller à la visite gustative qui est juste en avant le centre d'exposition Raymond Lanier. Des petites bouchées, une vingtaine de dollars avec des traiteurs de Trois-Rivières. C'est bien, ça. C'est tellement bon, là. Moi, je travaille au centre d'expo. Mais c'est ça, ça fait une belle expérience. Ça te fait une belle soirée. Oui, exactement, parce que les bouchées, en fait, sont inspirées des œuvres d'art qu'il y a dans le centre d'expo. Donc, tu te gaves un peu la face, puis tu vas digérer avec Bernard Adamus. C'est le meilleur deux mondes. Ouais, exact. Alors, Bernard Adamus, le 11 octobre, à Anaïs Allard-Rousseau. Il y a aussi Yann Kelly, qui nous présente une formule duo le 2 novembre, toujours à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Yann Kelly, avec sa belle voix suave, il chante très bien. Je l'aime beaucoup. Et sinon, à la salle Louis-Philippe Poisson, la même. Ce que j'aime pas, c'est que c'est la même soirée que Bernard Adamus, donc il faut faire un choix. Mais c'est la belle Laurence Ellie, qui a une petite voix, mais qui est super petite bonne. Petite voix douce. Exactement. Donc, Laurence Ellie, le 11 octobre, dans la salle Louis-Philippe Poisson, qui est un peu plus intime, mais qui est un peu plus sous formule cabaret. Très, très chill. Et il y a aussi Julien Sago, le percussionniste du groupe Carquois, qui va nous présenter son premier album, qui a été encensé par la critique. Ça va être le 22 novembre, toujours à la salle Louis-Philippe Poisson. Ça, c'est vraiment pas cher. C'est, je pense que c'est un petit 18 $, là. Vraiment pas cher. Surtout qu'à la salle Louis-Philippe Poisson, dans la série Découverte, tu peux avoir un 50%. Pas dollars, parce que les billets sont pas... 50% de rabais. 50% de rabais à l'achat d'un deuxième billet série bien, Découverte. Et là, dans la série Découverte, il y a Laurence Ellie, Julien Sago, Amélie au mois de février, mais aussi Émile Proucloutier et François Delaunier. Ça, je les connais pas. Mais il y a aussi Colin Moore, qui est bien bon. Bref, les billets coûtent 18 $. Si tu en achètes un autre, il te coûte 9 $. Ça vaut la peine. Alors, Julien Sago pour les amateurs de musique de Carquois. Et sinon, en fait, à la salle, au Centre culturel Pauline Julien, qui est maintenant une nouvelle salle dans la programmation de la Corporation de développement culturel, on va avoir Salomé Leclerc le 25 octobre prochain. Wow. Ça, c'est sûr que j'y suis. Ça, c'est au Cap de la Madeleine. Oui, au Cap de la Madeleine. Sur la rue Fusée. Exactement. Vous traversez les deux ponts. Donc pas tellement loin. Le pont du Plessis. Non, en fait, quand vous traversez le pont du Plessis, c'est à une minute en auto. Il y a un beau petit parc à côté. C'est une salle où est-ce qu'il y a encore une fois, il y a des œuvres qui sont présentées durant les spectacles. Donc, c'est super intéressant. Intimiste encore, un peu sur une formelle cabaret. Ça vaut la peine. Il y a une très belle acoustique. Donc, Salomé Leclerc, c'est le 25 octobre prochain, au Centre culturel Pauline Julien. Je pense que je vais y aller. Ah, moi, j'y vais, en tout cas, c'est sûr. Je pense que tu viens de me donner le goût. C'est tellement bon. J'aime bien Salomé. Je tombe en amour avec Salomé Leclerc. Et quand j'ai su qu'elle venait ici. D'ailleurs, Lisa Leblanc va aussi être au Centre culturel Pauline Julien. Ah ouais? La saison prochaine. OK. Ouais, au moins. T'as des scoops, toi, là? Moi, en fait, c'est que là, j'ai juste fait la saison. J'ai des scoops. T'as des scoops, on aime ça. Et si vous voulez aller voir Lisa Leblanc, moi, je vous dirais d'acheter vos billets le plus rapidement possible parce que le Centre culturel Pauline Julien, il n'est pas très grand. Il y a peut-être une quarantaine de places. Donc. Est-ce que c'est assis? C'est assis. C'est assis? Des chaises très confortables. OK. Parfait. Oui, des petites chaises coussinées, là. Puis il y a un bar aussi, donc on peut consommer en regardant le spectacle. Ben, consommer de la boisson. Oh, pas rien d'autre. Pas des substances illicites, les amis. Alors, c'est ça. Si vous voulez un peu plus de détails sur la programmation de la Corporation Développement culturel de Trois-Rivières, je vous suggère d'aller sur le site enspectacle.ca. Il y a tout là. Sinon, on peut se procurer facilement le petit pamphlet avec la programmation, soit à l'UQTR, mais un peu partout. En fait, à Trois-Rivières, il y a des stands de la Corpo un peu partout. Super. Voilà. Puis gâtez-vous, achetez des billets. Ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. C'est tellement pas cher. Ouais, ouais. Puis après ça, écoute, t'as passé une belle soirée, t'es content. Mais c'est ça. Puis la plupart du temps, t'es au centre-ville. Tu vas prendre une bière pour passer, belle activité. Rallonger, et voilà. Je vous le dis. Au lieu d'aller voir un film, au lieu C'est ça. C'est à peu près le même prix en plus. Ouais. Sortez de votre zone de confort. Et voilà. Merci. Si seulement il y avait du pop-corn lors de spectacles de musique. Tu peux nous amener. Oh, bonne idée. Ben oui, c'est sûr. Alexandra Carignan, on te lit dans le Zone Campus aux deux semaines. Exactement. Super. Dans la chronique des arts et spectacles. Oui, avec Lisa-Marie Gaudreau. Vous êtes les deux personnes d'arts et spectacles. Oui. Voilà. Aussi sur zonecampus.ca, bien évidemment. On te retrouve aussi à ton émission Le Boudoir à partir du 17 septembre, les lundis à 18h. Exactement, le 17 septembre, Lady Beaupré et moi, on reprend l'émission où est-ce qu'on fait nos chroniques habituelles et qu'on passe de la bonne musique. Majoritairement indie, là, on se le cachera pas, on aime ça. Avec les trucs de sacoche, là. Exactement, trucs de sacoche. Ça me fait toujours rire. Oui, les trucs de sacoche qui sont des objets assez spéciaux qu'on peut avoir dans nos purses. Mais aussi, la Lady du jour, les éphémérides de la journée et une nouvelle chronique de Mélissa Beaupré. C'est quoi? Oh, scoop. Ça c'est. Faut falloir écouter l'émission pour le savoir. Je pensais que tu me donnais un scoop encore. On va le faire de toute façon, écouter ton émission. Faut falloir que vous l'écoutiez. Ouais. Et pour terminer, tu vas animer les palmarès C'est fou avec moi. Exactement. Hein? Toujours moi. Wow. Avec toi. En tout cas, au moins, il y a Alexandra, une bonne raison d'écouter. C'est ça, c'est ça. Enfin, une raison d'écouter cette émission. Dans le fond, je suis juste là pour les codes d'écoute. Oui, t'es l'affaire valoir des palmarès, c'est fou. C'est ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Donc, c'est jeudi entre 15h et 18h. On rappelle les vendredis à 17h et lundi à 13h. Merci beaucoup, Alexandra. Mais ça me fait plaisir. On va l'entendre du Que c'est bien pour toi. Oh, encore. Merci. Man of Simple Pleasures. Ben, c'est connu, je pense. Hein? Tu cacheras pas, là. Peut-être fatigant, mais je passe la musique que le monde veut. Tiens. Sauf Jay-Z. Sauf Jay-Z. Whiskey measures with dyslexic eyes. Au retour, on déguste les restants de table électorale de François Landry à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Assemblage Requis en pièces. Détaché, Mathieu, Blonde, François, Olivier, Marchand. Toujours à Assemblage Requis, présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Il est 8h38 minutes. Ce matin! Et on reçoit finalement en studio l'homme qu'on attendait depuis les élections. Moi, je pense que c'est l'homme de la situation en ce moment parce que nous, il faut qu'on soit un petit peu plus éduqués par rapport à la politique. On a des questions. Mm-hmm. Donc voici François Landry, Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Royal. Salut François Landry. Calme. Première fois de la semaine, quand même. Ça a pris du temps avant que je me trompe, là. Salut, François. Bonjour, Mathieu. Oui. Est-ce que tu t'ennuies de tes insignifiants préférés? Non, je me suis surtout ennuyé d'Yvon Vallière, qu'on entend dans l'introduction. S'il vous plaît. Mais je t'annonce qu'il va falloir que tu changes ton introduction d'ici les deux prochaines semaines, Comment Mathieu. Ouais, ça, il s'en va. Il ne s'est même pas représenté. C'est sa fille qui a gagné sa place. Okay. Oh, vrai? Oh, oui, c'est comme une monarchie. Ça se népotisme. Oui. Sous la bannière libérale. Toujours libérale, voyons. Les meilleurs. Le sang rouge. Le sang, c'est rouge. La monarchie, c'est rouge. et puis, oui, il va falloir que tu remplaces. On ne sait pas par qui, mais d'ici deux semaines. Donc, c'est fun d'avoir quelqu'un dans l'intro, parce que là, sinon, c'est un peu plat. Ah oui, là, on va en trouver un autre. Là, est-ce qu'il va être aussi endormant que M. Vallière? Je sais pas. J'espère que oui. Pas endormant. Divertissant. Non. Michel Bisonnette, juste avant lui, était divertissant. Parce que lui, il gueulait. Vallière, c'était collègue. Ça peut être un montage de tout le monde qui a eu ce poste-là à date. Un best des prisons d'assemblée. Ouais, je me mets là-dessus, Mathieu. Parfait, merci. Je me mets là-dessus. Et oui, moi aussi, je suis content de vous rejoindre. Écoute, ça fait depuis le printemps passé, alors qu'on était en plein chaos au Québec. Ouais, exactement. On savait pas exactement qu'est-ce qui se passait. Écoute, il y a eu la grève étudiante. Là, on t'a perdu un peu dû à tes fonctions. Je me suis perdu moi-même. Écoute, j'étais débordé des 40 heures semaine. Non, ça se faisait en deux jours, ça, là 40 heures semaine. Yeah. Fait que c'était... Je suis encore fatigué, honnêtement. J'ai pas vu l'été passer. J'en parlais avec mes collègues au bureau. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé cet été? On dit, on le sait pas. C'était comme hier, le mois de mai. Là, ouais, c'était hier. Donc, ça passe tellement vite. Mais il y a eu du changement depuis, du gros changement, surtout depuis mardi. Ouais, c'est là, ça exactement. Écoute, c'était la date fatidique. La date qui a fait couler tant d'encre au courant du printemps parce que, je vais me péter les bretelles, je vous l'avais dit qu'il devrait y avoir des élections. Ça allait aussi. Je sais que Simon Fédibé qui nous écoute certainement, cher Simon, t'as pas arrêté de m'achaler cet été en disant « Ouais, François l'a prédit un jour, puis Oui, c'est arrivé. Je le prédisais pour le printemps. Pour le printemps. Oui, c'était la date qui était arrêtée dans le calendrier, le printemps. Ça a été confirmé, mais à cause du conflit étudiant, Jean Charest a été obligé de retarder avant le début de la commission Charbonneau. Il restait deux ou trois dates, dont le 4 septembre. Donc, il a dit avant la commission Charbonneau, on se souvient, la commission Charbonneau qui commence le 17 septembre. Donc, c'est certain que je vais vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de chroniques logocratie. Parce que je vais revenir sur qu'est-ce que la logocratie. C'est vrai, on le dit rarement. Mais... On le dit rarement, mais je vais revenir sur la définition du mot. Mais 17 septembre, la commission Charbonneau, donc le gouvernement Charest qui a été battu mardi, donc le Parti libéral, pourrait se retrouver dans l'eau chaude. Et Jean Charest, en fin stratège qu'il est, a dit « Je vais déclencher des élections juste avant, comme ça, si je perds ou si je gagne, peu importe, je vais être bien en selle pour dire « C'est pas moi qui a fait ça. » Hein? Là, il va être solide. Tandis que juste à la veille d'élection, alors que les rumeurs peuvent arriver de toutes parts, il y aurait eu une claque en plein visage, puis il y aurait eu la débâcle. Non, c'est sûr. Je pense qu'il n'avait pas le goût de vivre ça. Non, non. Fait que fin stratège, Charest, faut lui donner ça. Très intelligent, très fin politicien. Fin politicien. Jugé. Et... le 4 septembre, on l'a vu, c'est Pauline Marois, première femme, première ministre du Québec, mais c'est Jean Charest, le grand gagnant des élections. Oui, qui a surpassé tous les sondages. Tous les sondages, qui les a traités de peu fiables la veille ou l'avant-veille des élections. J'ai trouvé ça un peu hautain de sa part, mais finalement, il a raison. Bon joueur, je vais lui concéder le fait qu'il a fait mentir les sondages. Et hier, j'écoutais Jean-Marc Léger de Léger Marketing se défendre, donc... Un beau débat sur les qu'est-ce qu'un bon sondage. Ouais, donc, juste pour vous rappeler, parce que les chroniques s'appellent récentes tables, qu'est-ce qui reste sur la table? On a fait toute la journée, c'était les propos d'après-élection, tout ça. Donc, je vais juste remettre la table, dans le fond, pour bien déguster, bien repartir la saison culinaire politique. Wow. Parce qu'on va en cuisiner des politiques. C'est beau. On va cuisiner. Ah, j'essaie de faire des jeux de mots à la Mathieu, mais bon, je suis encore... j'arrive pas you à t'acheter. Wish. Ah ouais. Donc, le 4 septembre, il y a eu des élections générales, les 40e dans l'histoire du Québec. 40e depuis 1867. On suit qu'on a été formé en tant que province en 1867 sous la Constitution canadienne. Taux de participation de 3 Québécois sur 4 qui peuvent exercer... Trois quarts. Ben, un petit peu moins. C'est 74,61. Okay. Donc, c'est un petit peu moins d'un Québécois de 3 Québécois sur 4. C'est bien quand même. On s'entend pour dire que nous trois, on a été votés. Hein? Oui, puis que la chaise, là, ben... Ben, la chaise, là, a toujours tard parce qu'elle n'a pas été votée. Voilà. Donc, voilà. Donc, la chaise, tu vois, elle est vide. Elle est... voilà. Hein? On m'aventurerait pas là-dedans. Hey, Simon Fitzbé nous a envoyé un commentaire, d'ailleurs, sur Internet. Il dit, oui, je vous écoute et c'est moi, en parlant de Simon Fitzbé, qui a calé ça sent les élections, le plus proche des vraies élections. Sortez l'extrait, sortez l'extrait. Il s'est calé le 3 septembre, tu sais. Non, non, guess, moi, je t'agace. Mais c'était au début du mois d'août et j'avais pris mes vacances, oui. T'en avais parlé dans ta chronique estivale avec Mathieu, je t'ai écouté. Et puis, j'avais prévu dans mes vacances un retour au travail le 1er août. Donc, c'était déjà prévu dans mes vacances. Donc, je savais avant toi le déclenchement des élections. Donc, mets ça dans ta pipe, Simon. Bon, je t'aime beaucoup quand même. Assinez-vous pas. On va créer un débat, savoir qui avait raison. Je trouve ça plate que Simon soit plus là le jeudi. Il mettait de l'entrée dans cette chronique-là. Oui, oui, on va l'inviter. On va l'inviter. Ça ne dérangerait pas s'il n'y avait pas de chronique, il était juste présent pour venir participer. Oh oui, ça serait le fun. On l'invite. L'invitation. La porte est débordée. Donc, oui, le Parti québécois qui a obtenu 54 sièges à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup moins que la majorité que Pauline demandait. La majorité, c'est 63. Mais aurait pu avoir la majorité avec 60. Là, tout le monde va dire, ça ne marche pas. Comment tu calcules ça? Là, Là, toi, tu vas dire 61, parce qu'avec Québec solidaire, aurait pu avoir le 63 pour être majoritaire. Et moi, je dis 60. Et je m'ostine, et je m'ostinerai toujours. Parce que le Parti québécois... T'es bien ostineux, toi, là. Et quand ça part bien la saison, hein, je suis en forme. Parce que le Parti québécois n'est pas obligé de nommer un des siens pour être président d'Assemblée. Ah, OK, OK. Fait que ça... Il peut nommer n'importe qui. Donc, logiquement, si, admettons, là, on fait de la projection rétroactive, si le Parti québécois avait eu 60 députés, et non pas... Donc, il s'allie avec Québec solidaire. Québec solidaire a toujours dit on est prêt à collaborer avec le Parti québécois pour des mesures progressistes. Donc, ça fait 60 plus 2, 62. C'est pas la majorité, ça en prend 63. Mais en nommant un libéral comme président de l'Assemblée, vient de faire baisser la majorité que ça prend à 61. Ça, il est nommé, la personne peut toujours refuser? Ben, habituellement, tu refuses pas. Mais c'est un poste pépère, t'es bien payé, puis t'es le boss. Mais exemple, mettons, dans l'opposition, tu prends exemple François Legault pour le faire taire. On prend pas un chef de parti. On prend pas un porte-parole. C'est une loi non écrite? Ouais, c'est une tradition. Parce qu'habituellement, on prend le doyen pour le récompenser ou quelqu'un qui est sur sa fin de vie politique. Qui va prendre sa retraite. Donc, c'est ça. Mais comme Yvon Vallière, il l'avait dit, moi, je prends ma retraite, donc je suis disponible. Ça ne me tente pas d'être ministre. Bon, fait que Jean Charest lui a fait le cadeau de nommer président parce qu'il est le boss, le big boss. S'il y a un défaut dans la réglementation, c'est le président qui délibère avec ses avocats, ses juges et blablabla. Puis c'est lui qui impose la règle. Ou des fois, quand on fait appel à la présidence, c'est lui qui, quand il y a un flou dans la règle, c'est lui qui interprète la règle. Donc, c'est lui qui a préséance sur tout ce qui se passe à l'Assemblée. C'est sûr que j'imagine que ça doit être toujours plaisant quand il vient de ton bord. Là, quand il... Ah, c'est sûr, parce qu'il penche un petit peu de ton bord. Ben, quand il a tu le l'as temps nommé. Tu sais, retour d'ascenseur. Hein? Ben... Hey. Fait que ça, Parti québécois n'aura pas la majorité, même s'il s'allie avec Québec solidaire, n'aura pas la majorité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour. Ben, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Comment tu vois ça? J'adore toi? Les gouvernements minoritaires. Ouais. Ça marche sur des œufs, pas choix. Oui, parce qu'au lieu d'être dogmatique puis d'être majoritaire, quand t'es majoritaire, toutes les lois passent. Ouais, c'est tu ça. Tu es présente, à moins que les journalistes ne cassent pas la tête. Partie, c'est ça. Tu dis, gars, comme Jean Charest, la loi 12, on l'a fait adopter, même pas besoin de l'opposition pour la faire adopter. Elle passe, la loi 12 sur contre les associations, les l'ancienne 78. Projet de loi 78, exactement. Okay. Donc là, majoritaire, tu fais ce que tu veux, t'as aucun problème. Tu es majoritaire. En chambre pour les lois, mais t'es aussi majoritaire dans les comités parce que ça va à la proportionnelle. Donc, c'est un pourcentage tout le temps. Exactement. Donc, dans tous les comités qui analysent les projets de loi, qui fabriquent les projets de loi, t'es majoritaire. Donc, tu gouvernes en monarque pendant 4 ans. Donc, j'appelle pas ça une démocratie. Par contre, minoritaire, comme dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays européens, où il y a des gouvernements de coalition ou d'entente ou de partenariat sur des projets précis, ça veut dire qu'on va aller chercher le consensus. Donc, au lieu de faire chenoute une partie de la population, comme là, avec les pourcentages, les trois partis sont à un tiers de la population qui les appuie. Parti québécois, 31%. Ils sont pas mal tous dans le même. 31,94% des gens ont voté pour eux autres. Donc, c'est moins d'un tiers. Parti libéral, 31,21%. On s'entend-tu, c'est égalité. C'est quand même énorme. Statistiquement annulable. Et parti, la coalition, 27%. Mm-hmm. On s'entend qu'il est juste derrière dans le rétroviseur. Donc, le tiers des Québécois ont voté pour un ou l'autre parti, et etc. Donc, t'as pas la majorité absolue de la population qui t'appuie. Même quand tu vas aller négocier avec Ottawa, tu pourras pas dire « Je parle au nom du Québec ». Non, non, non, non. Je parle au nom de mon gouvernement minoritaire du Québec. Et donc, ça fait l'affaire, d'ailleurs, de c'est bonne affaire. Exactement. Il s'est voté les mains. Son communiqué de presse hier, là, c'était beau à lire. C'était... Ah ouais, il était content. Parce que l'Ontario, gouvernement minoritaire, Québec, gouvernement minoritaire, donc il dit, mes deux grosses provinces chialeuses sont minoritaires. Je suis le big boss au Canada, là. Donc, lui, il est heureux. Il est heureux. Mais moi aussi, je suis heureux. Gouvernement minoritaire, là, ça veut dire que Pauline n'a pas les coups des franges pour faire ce qu'elle veut, donc imposer toute sa structure de nationaliste qu'elle voulait faire. Parti libéral ne pourra pas vraiment s'opposer. Pourquoi? Parce qu'ils vont se tenir tranquilles. Ben là, ils vont se trouver un chef. Là. Ils vont se trouver un chef. Donc, on en a au moins avant 2 ans des élections. D'ici 2 ans, là, je prévois déjà, puis je vois déjà Simon Sourcier. Oui, Simon, d'ici entre 18 et 24 mois, il y aura des élections au Québec. Probablement. Je veux pas m'avancer sur « oui, il y en aura », parce que ça peut toffer 4 ans. Mm. Parce que hier, François Legault, qui, pendant la campagne électorale, disait « moi, je vais faire tomber le gouvernement n'importe quand », hier, dans sa conférence de presse post-élection, a clairement indiqué « je vais collaborer avec le Parti québécois afin d'éviter un déclenchement d'élection », parce que François Legault, son parti, t'a reconstruit. Il l'avait construit. Mais là, avec la dégelée qu'il a subie, 27% des voix, c'est très honorable. T'sais, félicitations, M. Legault, mais 19 députés. Lui, il en recherchait 63. Hey. Il en voulait 63. Il voulait former le gouvernement majoritaire. Avec 19, c'est une demi-victoire parce qu'on peigne les 9 à 10 à des caisses qu'il y avait déjà. Plus ouais, moins. C'est ça. Puis il s'en va chercher seulement 9 nouveaux. 9 nouveaux. C'est Barrette qui n'a pas passé. Barrette, son poids lourd qui n'a pas passé. Ben, poids lourd dans tous les sens du terme. Ah, mais François non, ben, Landry. François Landry. Et Barrette, c'était le poids lourd du gouvernement futur de François Legault. Oui, puis non, Duchesneau... Duchesneau, il est passé. Mais va-t-il se contenter de la banquette? Parce que là, il va être assis en arrière, il ne pourra pas parler comme il va vouloir. On verra les règles d'attribution du temps de parole dans les prochains jours. Mais Duchesneau, qui est fort en gueule, qui était une vedette, qui était destiné à des grands postes dans la fonction publique, là, va se retrouver simple député. Pas de l'opposition, de la deuxième opposition. Ouais. Est-ce qu'il va le voir se tenir tranquille pendant 2 ans? Peut-être 2 ans. Ensuite, on verra, comme dirait Legault, pour la suite des choses. Maud Cohen et Dominique Anglade, les deux autres, les deux femmes poids lourds du de la CAQ n'ont pas été élues, ont même fini 3e respectivement dans leur circonscription. Donc ça, c'est vraiment une gifle en pleine face au projet de Legault de faire le ménage au Québec. Maud Cohen, ancienne chambre de commerce, ingénieure aussi de formation, et Dominique Anglade, Maud Cohen de l'Ordre des ingénieurs du Québec et Dominique Anglade, chambre de commerce et ingénieure de formation aussi, voulaient faire le gros ménage dans l'attribution des contrats, dans l'éthique professionnelle et blablabla. Ouais. Mais ça se fera pas. François Legault pourra pas mettre en plan son plan. Ben, il mettra en plan rien du tout. Mais c'est pour ça qu'il a offert hier à Pauline Marois, son ennemi juré sur la place publique, de collaborer avec le Parti québécois pour faire le ménage dans la fonction publique. Ce que Pauline Marois a dit, oui. On va faire un ménage, mais de ma couleur, avec mon balai, avec mon spick and span, et non pas non, mais c'est monsieur net à toi. En même temps, Mme Marois, ça cherche des alliés, nous. Elle a pas le choix. Elle a pas le choix. Non, si elle veut faire passer un peu ce qu'elle veut, ça prend... Il va falloir qu'elle mette de l'eau dans sa soupe aussi. Ça prend au moins les 19 députés caquistes pour voter, ou elle va gouverner par décret. Par décret, là, ça, on va rentrer dans le technique, parce qu'il y a déjà des promesses qu'elle a faites dans la campagne électorale qu'elle va faire dans les prochains jours, prochaines semaines, dès que son gouvernement va être formé. Les droits de scolarité, entre autres. Les droits de scolarité, elle l'a confirmé hier qu'elle va annuler la hausse des droits de scolarité et rembourser... rétroactivement ce qui a été payé en trop. Oui, parce que présentement, des étudiants qui ont déjà payé leur facture, donc qui attendaient de payer, donc ils vont payer une pénalité de 25$ parce que c'était hier à l'UQTR la date limite pour payer ces droits de scolarité. Non, t'as jusqu'au mois d'octobre pour avoir le 25$. Quand t'abandonnes tes cours, en tout cas, il y a la technicalité pour abandonner les cours et remboursement de ça, mais les droits de scolarité à Québec, toi, tu parles des frais de scolarité. Moi, je parle des droits de scolarité, c'est deux choses. Très compliqué, mais bon, mettons que vous allez vous faire rembourser quand même. Elle l'a promis hier dans les journaux. On en est très content. Enfin, la grève étudiante, les manifs étudiants auront vaincu. Ouais, vous avez gagné, on a gagné sur la ligne. On a gagné. On voulait plus de Jean Charest à la fin. Il a démissionné, Parti libéral dans l'opposition. Et les droits de scolarité et la loi 12 sera abrogée. Et vous avez gagné $1 million, non? Non, ça c'était le troisième souhait. C'est lui que j'ai oublié de formuler. Ouais. Trois soins, une lampe. Hein? Et mon tati. Et là, Pauline Marois va faire par décret ces changements-là. Par décret, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de l'assentiment de la Chambre, de l'Assemblée nationale pour voter ça. Parce que la loi 12, oui, c'est une loi, mais avec une date de péremption. Hein? Donc, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre la loi, elle va la mettre sur sa tablette. Tout simplement. Donc, elle va dire, elle existe, mais je ne sais plus où. Grosso modo, ça va être ça. On l'appliquera pas. Okay. Et pour les droits de scolarité, ce n'est pas une loi, c'est une règle budgétaire. Donc, comme dans tout bon budget familial ou d'entreprise, t'as juste à aller pogner ton crayon pencil et effacer la ligne revenu des droits de scolarité. Puis, on repart à zéro. Ni vu ni connu. Elle va aussi procéder par décret à des modifications aux règles d'attribution de contrats du gouvernement envers les entreprises ou les firmes d'entreprises qui ont un dossier judiciaire. Construction. Surtout construction qui vont viser. Donc, si tu as été pénalisé, tu as payé une amende pour avoir enfreint une règle d'attribution de contrat ou n'importe quoi, là, t'es très très large, on va dire. T'as un nom italien. Ah! Non, ça, c'est de la ségrégation. Ouais, par... non. T'es un salaud. Hein? Dis-le, là. T'es un salaud, t'as un casier judiciaire parce que t'as été reconnu coupable. T'as plus le droit d'avoir des contrats avec le gouvernement du Québec. Donc, elle va modifier cette loi-là par décret. Elle va aussi accélérer le développement des garderies au Québec parce que c'est une de ses promesses. Donc, par décret aussi, c'est pas une loi, donc elle va le faire. Pas besoin d'Assemblée nationale pour ça. Et elle va aussi tenter, là, je dis bien tenter, mais pauvre elle a pas le choix pour calmer son aile radicale nationaliste, les caribous, les fameux caribous du PQ, la loi 101. elle va la renforcer. Je trouve ça de bonne chance. Même maintenant, même après ce qui s'est passé. Là. Parce qu'elle va juste modifier des articles de la loi. Donc, elle n'a pas besoin de passer par l'Assemblée nationale. C'est par décret. Mais on s'entend-tu que ça va brasser dans la cabane? Pareil. Littéralement. Hein, parce que là, qu'est-ce qu'elle veut changer? Qu'est-ce qu'elle veut... Elle veut juste renforcer pour les raisons sociales. Ça veut dire les marques de commerce, le service aux clients. Donc, que ce soit en français. Exactement. La première langue enseignée, ce soit le français. Et les cégeps aussi, que ce soit uniquement le français qui soit enseigné. Donc, les cours d'anglais vont rester. Ce que je veux dire, les cégeps anglophones, okay. C'est que quand t'es un fils francophone, t'as pas le droit d'aller dans un cégep anglophone. Ouais, c'est ça. Faut que t'aies un lien de parenté, que ton père soit anglophone. Que génétiquement, t'as du sang anglais. Comme ça se fait ici à l'église, à l'école secondaire. Voilà. Exactement, c'est la même chose. Parfait. Mais sauf que ça, c'est déjà appliqué, la loi, mais pas pour le cégep. La loi 101 ne s'appliquait pas au cégep. Et est-ce que ça va changer aussi? Parce que Charest avait promis de changer ça au primaire, donner la moitié de l'année. Ça, c'était les cours. Ça va faire partie du cursus de cours, augmenter le nombre de cours d'anglais. Est-ce que ça va changer, Paul Marois n'était pas favorable à ça, puis son aile non plus n'était pas favorable à ça. Donc là, pour l'instant, elle ne s'est pas prononcée, mais ça ne figure pas dans la liste de souhaits à réaliser du Parti québécois. Mais connaissant Bernard Drinville, Jean-François Lisée, ils sont deux nationalistes linguistiques, culturels, des vrais caribous, eux autres, des vrais durs. J'imagine qu'il n'y aura pas de cours d'anglais au primaire secondaire, autre que ceux qui sont déjà dispensés. Peut-être une augmentation du nombre de cours de français, ça me surprendrait pas du tout. D'histoire du Québec, ça me surprendrait pas du tout. Et ça, je serais très content en tant qu'historien de formation. Mais le programme de Jean Charest d'augmenter le nombre de cours d'anglais jusqu'en secondaire 5, je sais plus trop quoi, là. Ça, écoute, on peut déjà l'oublier, ce programme-là. Mais je veux revenir aussi, il y a Québec solidaire qui a fait élire, qui a augmenté de 100% sa députation. Ouais, c'est ça. Elle a passé de 1 à 2. Donc, wow. Françoise David, qui avait fait le pari de se présenter avec son entêtement dans Gouin, donc depuis 2007 battu, 2008 battu, et là, 2012, elle revient. Elle a gagné, et largement. Mais elle a fait de bonne figure tout au long de la campagne. Écoute, ça l'a aidé. Je pense que... Tout le monde se rappelle le débat, le fameux débat à Radio-Canada-Télé-Québec. Oui, ça a donné son élan à Québec solidaire, mais surtout à elle, puisque Québec solidaire a augmenté leur pointage, mais de 2-3%, pas plus. Mais c'est vraiment elle, dans Gouin, à Montréal, donc en plein à côté du plateau, qui a fait de la différence, parce qu'elle l'a eu... On l'a donné vainqueur, mais par la peau des fesses. C'était vraiment... Tu passes, mais... marche serrée. Mais non, 4000 voix de différence. Non, c'est bien. Avec Nicolas Gérard, qui est la vedette du Parti québécois. C'est lui que, entre autres, Tony Tomassi, qu'il a dû démissionner à cause de Nicolas Gérard. Et là, Nicolas Gérard, pauvre lui, était toujours dans l'opposition. Puis quand il a une chance de devenir ministre, puisqu'il aurait été ministre... L'herbe sous ses pieds, c'est quoi? Voilà. Mais c'est bien fait pour Québec solidaire qui augmente sa députation. Donc, on aura le lion à l'Assemblée nationale ainsi que la sagesse incarnée. Donc, Amir Kadik va rugir encore et toujours et peut-être même plus parce que là, ils sont deux. Ils vont jouer du coude. Ouais, c'est ça. Et puis, Françoise, qui est très intelligente, très posée, très réfléchie, très compatissante. Donc, on va avoir l'eau et le feu à l'Assemblée nationale. Ça va être beau. J'ai hâte de voir, vraiment. Mais la grande déception, évidemment, c'est Jean-Martin Rossan. Hey, c'était ma prochaine question. Député de Nicolas Bécancourt qui s'est fait défait, qui s'est fait laver chez eux. Pas de beaucoup, mais on s'attend à ce qu'un député vedette, habituellement, chef d'un parti, se fasse aller les deux dos dans le nez. Mais non, la population Nicolas a dit non. Nous autres, on préfère la CAQ. La CAQ, monsieur d'enfant. Donald Martel. Il faut dire que Donald Martel, c'est une figure emblématique dans Nicolet, un ancien péquiste qui était très, très proche de Michel Morin, ancien député de Nicolet. Jean-Martin Hossan, un ancien péquiste aussi, qui se présentait aussi contre le Parti québécois. Donc, il y avait trois péquistes, dans la grande parenthèse, dans la grande famille péquiste, qui se présentaient. Mais c'est le péquiste de droite qui a passé. Mais je trouve ça plate. Dans le sens où il aurait pu faire valoir un peu peut-être son parti. Il aurait pu. Et là, Owen, ils se sont dit, on se crache dans les mains et on recommence, on se retrousse les manches et on recommence. Ça, c'était leurs deux slogans. Ça va être difficile. Comment il va faire? L'exposure médiatique, il l'aura pu. Le financement. Et Jean-Martin Hossan, on sait, c'est un économiste de formation, un très grand cerveau sur deux pattes. Va-t-il se contenter d'être chef de parti sans rien faire d'autre de sa vie? Tu sais, il a besoin de nourrir sa famille, il a besoin d'avoir un toit au-dessus de lui, il veut travailler, donc il va retourner dans le privé ou dans la fonction publique, mais certainement dans le privé. Et puis, ou professeur, ce que j'aimerais, ce serait un bon professeur d'économie. Mais est-ce que Owen va pouvoir continuer de vivre pour les prochains jours, semaines? Oui. Prochaines années, j'en doute réellement. Pas de chef, pas d'exposure, rien, pas de financement. Là. Ça veut dire que pas de financement. Ça va être difficile. Mais bon, Jean-Martin Ossian, beaucoup de respect pour lui et je vous souhaite bonne chance dans ses futurs travaux très acharnés. Très accessible aussi. Lui, tu l'appelles puis il vient. C'est pas dur, il traverse le pont puis il arrive. Twitter, très actif sur Twitter. Effectivement, Owen, on fait le gag. Owen et Twitter, c'est du pareil au même. C'est vrai. Owen n'ont pas une scène, mais ont fait une très, très belle campagne médias sociaux, Facebook, Twitter. Là. Rempli de jeunes, c'était des jeunes militaires. La moyenne d'âge, c'était 34 ans. Les membres, Québec solidaire, 36. Parti québécois, 43, si je ne me trompe pas. La CAQ, 48, 52 environ. Et Parti libéral, la moyenne d'âge est au-dessus de 65 ans. Yeah. On s'entend. Je vais sortir les chiffres officiels quand le DGE va les sortir. Ouais. On aura même le profil des électeurs qui ont voté pour. Oui. Ça, on va le savoir dans les prochains jours, semaines, quand l'analyse sera fait. Mais je veux juste terminer, si tu me donnes 30 secondes. Vas-y. Juste parce que moi, il y a un projet qui me tient à cœur, c'est la proportionnelle. On sait, je l'ai dit, 31,94 pour Parti québécois. Ils ont 54 sièges. Parti libéral, 31,21. Égalité avec Parti québécois. Mmh. Ont 50 sièges, donc bon, quasiment égalité. Mais la CAQ, 27, donc aussi égalité, on s'entend. Presque. Mais 19 sièges. C'est pas juste. Et Québec solidaire, 6%, 2 sièges. Option nationale, 2%, aucun siège. Donc, la proportionnelle ferait en sorte que, j'ai fait un petit calcul, le Parti québécois, si on appliquait le 125 circonscriptions, donc 30% de 125 circonscriptions, donnerait 40 sièges au Parti québécois. Mais ça fonctionnerait comment, une proportionnelle, par rapport au vote? Ça, je vais t'expliquer, parce qu'il y a 3 proportionnelles. C'est très compliqué. Okay. Il y en a 3 proportionnelles. Mais là, j'ai été seulement par le pourcentage. Oui. Donc, 30% des gens votent Parti québécois, donc 30% de 125 donne 40 sièges. Grosso modo, j'arrondis. Parti libéral aurait 39 sièges. On s'entend que c'est égalité. Oui. La CAQ, avec 27%, aurait 34 sièges. Donc, ça serait juste... Ça irait juste. C'est très, très, très serré. Québec solidaire aurait 8 sièges plutôt que 2. Option nationale aurait 2 sièges. Et Parti vert, 1 siège. Puis, il y a quand même 1% des gens qui ont voté Parti vert. Et il y aurait un indépendant, parce que, bon, il faut arrondir un moment donné. Ça va être toi. Merci. Mais donc, il faudrait absolument qu'il y ait un indépendant, même si personne n'a voté. Non, parce qu'il restait des grenailles. Il y avait 20 partis politiques qui se présentaient. Ouais. Donc, la moyenne, à part le parti équitable qui a eu 0 vote. Ouais. 0 vote. Zéro. Même le chef. 0% ici, là. Okay. Il y a peut-être eu 1 ou 2 votes, là, mais on s'entend que c'est dans la marge d'erreur. Ils arrondissent vers le bas. Regarde, il y a Parti conservateur du Québec, 0,18%. Coalition pour la Constituante, 0,12%. Parti nul, 0,06%. Donc, c'est eux autres, je les ai tous additionnés ensemble. Ouais. Ça donne un député comme eux. Donc, il faut aussi dans le tas. C'est ça, tu sais, puis au hasard dans le sac. Un gars qui fait un peu de tout. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je l'ai réparti bien, pour choix, ça marche mal demain. Mais je vais revenir plus tard sur qu'est-ce qu'une proportionnelle. Et là, tu vas me dire, Mathieu, toi qui es très connaissant de l'Allemagne, tu vas me dire, en Allemagne, oui, la proportionnelle existe, puis pourtant, c'est plein de gouvernements minoritaires. Ouais. Comment ça marche? T'sais? Comment ça? Parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de gouvernement majoritaire. Jamais, jamais, jamais. Parce que eux autres, leurs 18 partis politiques se font élire. Il y a des communistes, des verts, des fachos, des partout à l'Assemblée. Des fachos? Des fascistes, des fachos. Des fachos. Dans leur Assemblée. Mais comment ça que le gouvernement ne tombe pas alors qu'au Québec, à chaque fois qu'il y a un minoritaire, on prévoit qu'il tombe dans 18-24 mois. Mais ils sont intelligents, les Allemands. Écoute, c'est pas pour rien que c'est la première puissance d'Europe. Ils ont fait une loi qui dit que si le gouvernement tombe, il ne tombe pas. On se trouve un successeur commun. Donc, toute l'Assemblée dit on va se nommer un chancelier. Parce que chancelier n'est pas nécessairement celui du parti au pouvoir. Habituellement, oui, par tradition. Mais si, comme présentement, c'est Angela Merkel qui est la chancelière, dire, donc des sociaux-chrétiens. Donc, si elle vient qu'à tomber, les sociaux-chrétiens sont encore majoritaires. Donc, ils choisissent à la majorité un député. Faut que ça fasse un consensus. Un consensus, ils élisent quelqu'un de l'Assemblée. Donc, le gouvernement ne tombe pas, il faut juste changer la tête dirigeante. Okay. Parce que la tête n'est pas le pays, il ne faut pas oublier ça. Mm. Et le pays n'est pas non plus la tête. Donc, ça pourrait marcher. Et juste pour un clin d'œil, il y a eu... depuis 1949, en Allemagne, depuis qu'il y a des élections libres en Allemagne de l'Ouest, surtout, là, il y a eu moins d'élections en Allemagne qu'au Canada pour la même époque. Ah ouais. Et au Canada, il y a eu juste des gouvernements majoritaires ou presque depuis, et en Allemagne, juste des minoritaires depuis. Mais là-bas, ça fonctionne pas avec des comtés comme ça vous? Des comtés, oui. On appelle ça, il y a des Länder, des provinces, des circonscriptions. Okay. Oui, c'est identique, mais proportionnel. Mais proportionnel, ça veut dire quoi? Je vais te l'expliquer, je te le promets, je vais te l'expliquer dans une autre chronique. Parfait, la semaine prochaine. Écoute. Il y a trois modèles qui existent. Le modèle australien, le modèle que Québec solidaire propose, parce que c'est lui au Québec qui est le plus favorable à, et François Legault aussi de plus en plus, et surtout avec les résultats qu'il a. Et il y en a un autre qui est comme moi, donc selon les pourcentages. Il y a trois modèles qui existent. Je vous reviens là-dessus. Premier juré craché. On les détails. Parfait. La semaine prochaine pour les détails sur ça. Merci beaucoup, François Landry. Merci beaucoup. Merci, et là, on se retrouve pour la session d'automne tous les jeudis à 8h30. Ouais, ne devrait pas y avoir de grève, donc disponible presque en tout temps jeudi matin. Maintenant que c'est réglé. Et les lundis, mardis et mercredis aussi. Dans mon bureau, juste, je vais vous envoyer des signaux fumés. Près de l'urinoir. Génial. Donc voilà, François Landry, Logocratie 101, merci. Nous, on termine l'assemblage requis ici même et on va se quitter en musique. Le temps de vous dire qu'on va de retour lundi avec la chronique d'Alexandre Cloutier, nouvelle chronique humoristique. On aura aussi Alexandra Carignan à 8h. Et puis, à 8h30, pardon. Et on a Véronique Mire à 8h. Oui, exactement, qui va nous faire une petite chronique du bureau de la réussite étudiante. Oui, elle aussi, c'est une nouvelle venue dans notre nouvelle batch de chroniqueurs. Bien sûr. On aime ça de même. Restez sur nos ondes à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. Moi, je serai de retour à 15h avec Alexandra Carignan pour les Palmarès C'est fou, le top 40 de la semaine. Et en soirée, 13e étage à 19h et électro-tactile, une nouvelle émission à 21h. Voilà, et allez voir le site.fr pour la programmation, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et la balado-diffusion. On se quitte avec une chanson que j'envoie en hommage à notre célèbre nouveau fan, je pense, de C'est fou, dont on a parlé plus tôt dans l'émission pour ceux qui étaient là. Si vous n'étiez pas là, ben, savourez Pépé avec toi, tu l'as. Joue-nous donc quelque chose qu'on connaît. À lundi, bonne fête de semaine. Bye bye. Jerry Boulet.